Voilà, nous sommes à Hayennes, place Charles-Dullin, le 26 juin 2018, il est 17h28. Le ciel est bleu, traversé par quelques nuages emportés par le vent du nord. Il fait à peu près 30 degrés. Je suis venu en vélo depuis Aix-les-Bains par la galerie du tunnel du Chat.